Hey, Tristan, t'es là? Chante un peu, mon Pierrot. Ouais, mais mon frère, il est là, mais on l'entend pas. Et bien alors, dans Rip, rappeur, c'est facile. T'as des pistes à gauche. Comme dans n'importe quel do, t'as des pistes à gauche. Et tes pistes, c'est tes entrées, elles vont directement sur le master. Tu mets Ninjam, le VST Ninjam sur le master. Comme ça, toutes les pistes, elles vont aller directement sur Ninjam. Et sinon, tu sélectes au-dessus de Normal Ninjam tes sorties stéréo. Going deeper. De Tristan. Sunny. Yes. C'est déjà ça. Moi, je voudrais l'entendre. J'ai mouru. 22h22, l'heure magique, l'heure pour mourir, pour tuer ses oreilles. Il faut pas mettre tes enceintes, Tristan. Il faut que tu sois au casque, hein, je crois. Ouais, bonjour. Ça y est. Monte d'ailleurs un peu ton son, d'ailleurs. We so tired. Attends, j'arrive, je vais prendre la dernière bière. Playing with bow and a rope. Gonna give my heart away. Leave it to the other girls to play. For I've been a champ just too long. Just give me a reason to love you. Excuse-moi, j'étais parti une seconde. You and I. Oh, you and I. Try again, we fail better. We try. Thank you. a devil between us. Or was it? Was it? Toi, tu galères, non? On est pas sur le 1, ouais. On entend un peu ta voix. Dis-moi ce que t'as écrit ce soir pour ta bande-annonce. Que dalle. J'ai de la latence grave. T'as de la latence grave. Dis-moi combien tu as. Moi j'ai 11 millisecondes. Avec ta putain de carte son RME, tu pourrais... dans Reaper en haut à droite, t'as tes préférences audio. Balancer le gain sur ta voix, mais pas autant que ça. Moi-même je suis sourd, tu sais, t'as vu, j'ai entendu, j'ai les oreilles qui saignent. Et ça va déchirer ce que tu vas envoyer avec ta souris, ta clique droite, tes pommettes, tes perdues, tes tutes, que tout est. Allez, vas-y, fais pour YouTube ce que t'as fait. Je peux monter un peu. Désolé. C'est bon, tu as stop. T'as ta pute qui t'a claque. T'as ton clip, t'es ta pute. T'as ta clip, t'es ta pute. T'es ta claque, t'es so pas ta traque, t'es pas ta geek. C'est pas ta clique, t'es sur le net, mec. C'est pas ta clique, c'est pas ta pute. C'est ton putain de clique. Est-ce qu'on entend mieux, les gars? T'es capable. On entend. Je te vois là, à toi de mon nom. Je te connais, je te vois souvent. Je te vois Yo, tu m'entends, Pierrot? Ouais. Est-ce que ouais, t'entends ouais. mieux? Grave bien. Est-ce que t'entends mieux, les gens? Est-ce que tu m'entends mieux? Ouais, oui, moi, oui. Mieux, en tout cas. Est-ce que tu m'entends mieux? C'est cool, on dirait. On t'entends. Dirait. C'est bizarre, c'est du scion-sion. Décalé. J'ai décalé. Toujours de la latence, mais c'est pas grave. C'est... Du coup, je vais pas faire de finger drumming. Parce qu'avec la latence, le finger drumming, c'est pourri. Avec de la latence, c'est pourri. Grand piano avec Don Will Hogan de la Pumping Machine, latence, Dream Voice, The Reg, Moonba, avec Massive Transpal, Lucius Winpa, Luminous Winpa, Infinity. Tu traînais sur le net, mais t'étais tout perdu. Contre-attaque de vignette, putain clic, putain t'en as plein le cul. T'as perdu ton clic droit et ta souris titube. On sait pas pourquoi t'atterris sur mon YouTube. Arrête-toi un instant, procrastine tranquillement. Mais fais pas croire qu'un geek a des trucs à faire. Détends-toi, prends ton temps, bienvenue chez Monsieur Tristan. T'aimes pas, lâche-toi, crache ta haine dans les commentaires. Autoproclamé roi des branleurs. Toi aussi tu excelles, viens en monte un gang de gentils losers. On verra toute heure la glande universelle. A bientôt, gros bisous, Mozart. Faut que l'arrêt. Avec de la latence, avec de la la. Mercury Lake, Modway Sigla, Ocean Sun Glitters, Outer Land, Power Pass, and Emotion. Mm-hmm. stand for we are made to don't land back. Ever what happened shit. Never we are backtrack to shout no way. Big bang, nothing to fuck to say. This man have to shit. Another with the black bang, rock full of lead. Cannot fit to dress down. Pop all your shit, motherfucker. That crack turn the fuck of the mid. The quarter. People win a bad back to sell. I never win a bag, I never we called. Just a B-bag, just a big rematch, real match. Just a fan figure with the streets at. Just a weird ass black motherfucker down. Just a big insane in the fucking sand. Well, the fuck it, just a fucking loudest. Wanna fuck me, rock that sound? No, no. Mais qu'est-ce qu'on est con? C'est pas ce que t'attendais. Mais qu'est-ce qu'on est con? C'est pas ce que t'en sais. C'est qu'est-ce qu'on c'est pas ce que t'attendais. C'est pas ce que t'entends. Ouais, c'est pas. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est pas dit décalé. Qu'on est con, qu'on est. C'est parce que ta carte son, elle doit être activée en through. Donc t'entends le vrai signal et t'entends pas que ce qui est processé par ton ordinateur. Donc t'entends la double voix. Mais si jamais tu te mets en pass through. Ça va, je fais plus longtemps. Oh, c'était bien. Mais non, ça marche pas. Mais si, règle longue 95, ça marche très bien. Debout dans ma chambre devant mon miroir. Move over and give us some room. A thousand flowers. Move over. Thank you. soul again. What I need is ever wasted. Give you all my love. Give you all my soul again. Give you all my soul again. Give you all my love. Give you all my soul again. Soul again. Don't mind saying what I see. I give you all my love. Give you all my soul. Not saying what I'm feeling. It's not a train. Even when I sleep, I just walk out. What I peace never stop. Money, peace never do. Money, peace never do. Oh, Come on drums, come on rabito, zap. When I let the pressure sit down, for they now let me down. When I play your song, pain is gonna let me die. When I love it, I'm thinking of it. I'll leave it in my place. I'm not. Well, fine, that's my take. That's right. Yeah. I'm fine. Baby, huh? dust on my mind. I got something on my mind. I got something in mind. In my mind, yes, I got something in my mind. Yes, I got something in my mind. Oh, just keep feeling my mind. Yes, I got something in my mind. Just keep it in my mind. Yeah, I got all in my mind. I got all in my mind. Just keep it cool. I see that they both y'all your picture. I got all in my mind. I got all in my mind. Just keep it cool. I got all in my mind. I got all in my mind. Just keep it cool. I got soul in my mind. I got soul in my mind. Just keep it a groove. Come on, feel it. I got soul in my mind. Keep it a groove. Yes, I got soul in my mind. I got soul in my mind. Just keep it a groove. On essaye sur le 1. I got soul in my mind. I got soul in my mind. Just keep it the groove. Oh, come on, just I got soul in my mind. I got soul in my mind. I got soul. Soul in my mind. Went back, walk on fourth to greedy. Never went back up with the shiggy. You'll be breaking, thinking the world mean. I fell in love with the girl fast, baby. It's just another wish it be. You come again, I got a weight in the pack. Twist the coffee stand, to get the twist, baby. Can let it maybe, just to fucking ready. Had to touch the hairy, pussy hairy. Had to trust in the calm, that's just down for. I got the back, the strong, and then the proffer. Get the back, the love, and add another. No, let the bracket to fall aboard. But I make it really dig in love with the ring, you can take your feet in line. I got soul in my mind. You know, you get just like Bootsy Collins, you know. No, Bootsy Collins is a fucking man with a fucking sunglasses, you know, like stars, you know. Come on, give me some New York City, a Toulouse City, a New York City, a Toulouse City. Wow, fondant, fondant your ear, my brother is here, fondant. Putain, Tristan, tu vas écouter la voix de ce mec, c'est hallucinant. Without Vangelis in the place. Got to listen to that girl. Weekend at home. Ah bah elle est partie la meuf, putain c'est trop dommage. Des marches du palais, elle reviendra tout en bas de l'escalier de glace. M'attendez.